Mais lorsque je parle du corps de désir de l'homme, je parle de cette conscience en lui qui fait partie de sa nature animale. Et cette conscience dans l'homme qui fait partie de sa nature animale est cette conscience qui peut créer un équilibre entre lui et le cosmos si il est en lignée avec son intelligence. Autrement dit, s'il a compris les leçons de sa souffrance. Si l'homme a compris les leçons de sa souffrance, il équilibrera sa nature animale avec sa nature cosmique, et à ce moment-là, il sera un être humain doué d'intelligence, mais aussi capable de vivre une vie planétaire qui convient à la condition matérielle de la planète. Sinon, il sera emporté par l'intelligence et ne pourra jamais vivre sa vie sur le plan matériel qui convient à un être humain. Il deviendra un fanatique de l'intelligence, il deviendra un être emporté par cette vibration et n'étant pas ajusté au niveau de son corps de désir, fera constamment des erreurs et éventuellement l'intelligence pourra l'appauvrir à un point tel qu'il ne pourra jamais se relever. L'intelligence cosmique a le pouvoir d'appauvrir l'homme si son corps de désir n'est pas ajusté à elle. Et tout ceci à cause du fait que l'homme a des notions d'intelligence. Nous avons une notion de l'intelligence. Nous pensons que de l'intelligence, c'est bien intéressant, que de l'intelligence, c'est fameux, que de l'intelligence, c'est ceci, ou que de l'intelligence, c'est ça. Effectivement, de l'intelligence, c'est tout ceci, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que l'intelligence doit servir l'homme et non l'homme servir l'intelligence. Et pour que l'homme apprenne à ne pas servir l'intelligence, il faut qu'il ait un corps de désir très, très, très libéré de désir, parce que les désirs sont liés à la notion de la vie. C'est pourquoi les hommes qui se conscientisent au début, qui ont certaines consciences de leur intelligence ou de l'intelligence en eux, qui n'est pas totalement ajustée, mais dont ils ont conscience quand même, ont tendance naturellement à vouloir éventuellement, au niveau de leurs désirs, qui sont des notions d'intelligence, s'exécuter dans la vie et faire ceci ou faire cela. Ce n'est que par la souffrance qu'ils en arrivent à s'asseoir sur leurs fesses et de dire « Wow, easy ». Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Quand on l'a bien appris, à ce moment-là, on n'est plus prisonnier de notre notion d'intelligence et à ce moment-là, notre corps de désir est équilibré avec elle. Et autant l'intelligence, c'est puissant sur le plan mental, autant l'intelligence, c'est puissant sur le plan du corps de désir, autant l'intelligence, c'est puissant sur le plan du corps éthérique. L'intelligence, c'est simplement une énergie qui convient à tel plan. Alors, si elle passe dans le mental, c'est de l'intelligence. Si elle passe dans le corps de désir, ça devient sa manifestation sur le plan matériel. Et si elle passe sur le plan éthérique, ça devient une manifestation sur la matière. Mais à cause de notre notion que nous avons, qui est une notion faussée de l'intelligence, nous que ne comprenons pas que de l'intelligence doit servir l'homme, ça doit servir à l'homme, à l'individu, pour que éventuellement ça serve à la société. Mais si de l'intelligence a détruit l'individu, comment voulez-vous que cette même intelligence serve à créer une société? C'est impossible. C'est pourquoi ce ne sera que lorsque les hommes auront compris, à travers leur corps de désir, que leur intelligence doit leur servir et que leur intelligence ne doit pas être une soufflerie qui fait envoler dans toutes les directions leur désir parce que eux-mêmes, au niveau du mental, ne sont pas suffisamment conscients du pouvoir de l'intelligence sur les désirs lorsqu'ils ne sont pas alignés. C'est pourquoi il y a des individus qui, une fois qu'ils commencent à se conscientiser, veulent faire ceci ou ils veulent faire cela, ou ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, au niveau de leur intelligence. Ce n'est pas à conseiller, mais il faut le vivre pour le comprendre. On veut tous devenir un missionnaire. Tous les hommes veulent être des êtres de service. tout ceci est le résultat de l'activité de nos désirs. Ce n'est pas le produit du corps de désir. Grande différence entre les deux. Un homme qui a un corps de désir bien ajusté avec son intelligence pourra savoir qu'il peut éventuellement, qu'il a et qu'il fera éventuellement quelque chose de son intelligence, mais il n'est pas pressé. Il va attendre qu'il y ait équilibre, que ça coule, que ça se manifeste avec facilité et que ça convienne à lui et non pas seulement à l'intelligence. Les forces de la conscience cosmique qui descendent sur le globe sont beaucoup plus puissantes que vous ne pouvez vous l'imaginer. Et c'est au cours des années que vous comprendrez ce que je dis. Quand vous aurez été allaité par ces forces pendant 10 et 15 années, 5 années, vous comprendrez jusqu'à quel point ces forces sont puissantes. Et jusqu'à quel point l'homme doit, à un certain moment, pouvoir les contrôler. Et pour qu'il les contrôle, il doit être suffisamment intelligent et averti de leur puissance. Les gens parlent des forces de la magie noire, de la puissance des forces de la magie noire sur l'homme. Je vous assure que les forces de l'intelligence ont un pouvoir sur l'homme que la magie noire ne pourra jamais exercer. Jamais. Vous êtes au début de votre conscientisation. Vous êtes au début du développement de votre intelligence. Et toute l'intransigeance mentale que vous pouvez vivre, que vous pouvez comprendre, ne fait partie que de l'exécution lente et graduelle de la descente de cette énergie sur vos plans. C'est pourquoi l'homme découvrira que pour devenir intelligent, pour entrer dans l'intelligence, il faut être extrêmement solide, extrêmement volontaire. Sans ça, cette intelligence nous assomme, nous charrie. Le corps de désir de l'homme est un corps qui autrefois avait été créé par des intelligences de très haute évolution. Et lorsque ce corps de désir avait été créé, il avait été créé en fonction de préserver sur le globe une image suffisamment parfaite de l'intelligence des races supérieures à l'homme. Le corps astral de l'homme, c'est un corps qui permettait dans le passé que s'exécutent sur le globe humain, sur le plan matériel, des intentions d'intelligence véhiculées sur un plan vibratoire inférieur, mais correspondant à l'harmonie évolutive des races en évolution, de sorte que par le passé, l'homme avait facilement accès, de par son corps astral, à une très grande échelle historique et cosmique et universelle de l'évolution et de l'histoire de l'évolution. Mais l'homme a perdu cette faculté, et cette faculté a été remplacée par une sorte de dépotoir qu'on appelle le corps de désir, tel qu'il est aujourd'hui. Et le corps de désir aujourd'hui étant un dépotoir, c'est-à-dire étant une enveloppe qui convient non pas à la nature noble de l'humanité, mais à la nature totalement perverse de l'humanité, a petit à petit enlevé à l'homme le pouvoir de pouvoir réfléchir dans l'intelligence de ses désirs pour comprendre la nécessité de ses besoins, afin de pouvoir établir sur le plan matériel la continuité de ses besoins intelligents. Un homme qui est intelligent ne peut pas avoir de désirs qui ne conviennent pas à son intelligence. C'est impossible. Mais un homme qui n'est pas intelligent, qui n'est pas dans son intelligence, est très facilement capable de se créer des désirs qui ne conviennent aucunement à son intelligence, qui ne conviennent aucunement à son bien-être. Et ceci est très dangereux pour deux raisons. C'est que l'homme, ayant perdu la fonction de son corps de désir, n'a plus de rappel de son intelligence. Et l'homme découvrira un jour que dans le corps de désir, il y a un rappel d'intelligence qui fait partie du rappel de la mémoire cosmique, qui fait partie du rappel de l'évolution de l'âme. Et lorsqu'un jour l'homme sera suffisamment enligné dans son corps de désir, à ce moment-là, il pourra commencer à se servir de la mémoire de son âme au lieu d'être asservi par elle. C'est ce que vous appelez de l'expérience. Mais l'expérience de l'homme a été totalement enfouie par les désirs dans le corps de désir, de sorte que le corps de désir aujourd'hui ne sert plus l'homme du tout. Si l'homme avait un corps de désir parfaitement équilibré avec son mental, il pourrait se servir de son corps de désir parce que le corps de désir est l'enregistrement, enregistre tout ce que l'homme a connu au cours de l'évolution. L'homme serait très riche en expérience. Alors à ce moment-là, son intelligence servirait simplement à continuer son expérience. Et son corps de désir lui permettrait de bien vivre son expérience. Et son corps éthérique demain lui servirait de bien exécuter sur le plan matériel le pouvoir de son intelligence sur la matière. Alors, aujourd'hui, notre corps de désir est devenu une poubelle, il n'a plus aucune fonction autre que de nous donner une notion quelconque de la valeur de la vie, et c'est pourquoi nous sommes incapables de nous retirer, de nous soutirer, de nous élever au-dessus des index politiques et des index économiques. Lorsque le corps de désir de l'homme a été créé par ses intelligences, il a été créé en vue de servir de réflecteur, de mémoire pour l'homme. Et petit à petit, ayant perdu cette faculté, l'homme a été obligé de recommencer constamment son expérience. Et comment l'homme recommence-t-il constamment son expérience? En se créant des désirs qu'il vit selon la notion qu'il a de la vie. Autrement dit, l'homme vit une expérience double, et ceci est réellement terrible. Parce que l'homme vit une expérience qui déjà a été enregistrée dans sa mémoire et qui peut être perçue par son corps de désir, s'il est dans son intelligence. Et deuxièmement, il se crée des désirs par-dessus ceci. Lorsque je dis que l'homme doit un jour en arriver à ne plus vivre d'expérience, je veux dire que l'homme un jour doit en arriver à ne plus créer de désirs, parce que ce sont les désirs créés par l'homme qui font qu'il vit par expérience. Et déjà, il a toute l'expérience. L'homme a énormément d'expérience. Si chacun de vous pouvait aller dans sa mémoire et voir l'expérience qu'il a eue dans le passé, il verrait que cette expérience peut très bien lui servir aujourd'hui, bien que les conditions soient différentes. Il y a eu des gens parmi vous qui ont été des esclaves, il y en a d'autres qui ont été des rois, il y en a d'autres qui ont été des médecins, il y en a d'autres qui ont été telle chose, telle chose. Alors l'expérience, cette expérience acquise, vaut très bien son pesant d'or et l'homme pourrait aujourd'hui s'en servir et ne pas vivre d'expérience. Mais non, cette conscience expérientielle est totalement éliminée, est totalement abrutie par les désirs que vous construisez chaque jour dans votre vie parce que votre corps de désir n'est pas aligné à votre mental. De sorte que vous vivez sur le plan matériel deux vies à la fois. Vous vivez une vie qui est le produit de l'expérience ancienne et vous vivez une vie présente qui s'expérimente en même temps. De sorte que vous n'avez pas le temps de vivre, vous êtes trop occupé. Et comme vous êtes trop occupé, mais automatiquement, après un certain moment, vous vous fatiguez, au cours des années, vous perdez de l'énergie, et après un certain nombre d'années, vous devez mourir, vous n'avez pas de choix, parce que vous êtes des êtres fatigués. Même quand vous n'êtes pas fatigué, vous êtes fatigué. Parce que toute votre activité est liée à vos corps de désir. Votre fonction humaine n'est pas dirigée par le mental, elle est dirigée d'ici. Les hommes vivent par ici, au lieu de vivre par ici. Et un homme ne peut pas vivre par ici. Il n'y a rien ici qui puisse donner à l'homme de la subsistance. Alors vous vivez ici d'une nourriture qui est totalement factice, et ça, ce sont vos corps, vos désirs. Si vous n'aviez pas de ces désirs, vous vivriez automatiquement d'ici, et ici contrôlerait tout dans votre vie. de sorte que vous n'auriez plus besoin de désir pour vous donner une certaine activité humaine. Vous seriez des êtres créatifs, des êtres bien dans leur peau et des êtres qui créeraient, construiraient lentement mais sûrement leur destinée, destinée que vous pourriez voir parce que déjà vous auriez la mémoire de votre âme enregistrée dans les vibrations que vous percevez ici. C'est ça le corps de désir. Alors, ce qui est important du corps de désir de l'homme, c'est que ce corps de désir peut enregistrer, faire valoir, relever, faire des relevés constants de la mémoire de l'homme, de la mémoire ancienne de l'homme. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez été pharaon ou esclave en Afrique, tout est là. Vibratoirement, tout est là, mais tout est éteint parce que vos désirs éteignent. C'est comme un type qui a un beau mur de bois et qui met par-dessus une tapisserie. Ce n'est plus le mur de bois qu'il voit, c'est la tapisserie. Elle peut être belle, la tapisserie, mais ce n'est pas le mur de bois. Alors, la notion du désir doit être vue et comprise d'une façon très, très précise. C'est pourquoi, au fur et à mesure que vous entrerez dans votre intelligence, vous verrez qu'il y aura des objections, qu'il y aura des interférences à vos désirs. Et c'est justement pour ceci, c'est justement pour vous amener à ce que ces désirs soient délogés de votre corps de désir que les interférences existent. Et lorsque le travail aura été accompli, à ce moment-là, vous ne souffrirez plus des interférences parce que vous n'aurez plus de désir. Si l'homme souffre d'interférences parce qu'il a des désirs. Autrement dit, son corps de désir doit être ajusté au corps mental pour que demain le corps éthérique soit ajusté au corps de désir et au corps mental. C'est un alignement graduel qui doit se faire. Je prends le cas anonyme d'une personne qui, pour des notions valables, des notions psychologiques valables, des notions d'intérêt personnel valables, veut retourner en arrière et retrouver ou établir un lien avec des parents qu'il n'a pas connus. Alors, sur le plan de la notion de l'intelligence, sur le plan de la notion de soi, c'est normal qu'un être veuille retourner en arrière pour trouver un parent qu'il n'a pas connu, un père ou une mère qu'il n'a pas connu. Mais cette notion de retourner en arrière vient d'où? Elle vient du corps de désir. Le corps de désir vient d'où? C'est-à-dire, vient des désirs. Et les désirs viennent d'où? Ils viennent de la notion que l'on a de la valeur de notre vie. Mais la notion que l'on a de la valeur de notre vie vient d'où? Elle vient de l'astral. Elle ne vient pas de l'intelligence. Et c'est ce point très fin que je veux établir ici. C'est que le corps de désir n'est pas manipulé par des intelligences astrales. Les désirs le sont. Il y en a beaucoup parmi vous qui seront contents de comprendre ceci. Le corps de désir n'est pas manipulé par les êtres, les entités dans l'astral. Les désirs le sont. Le corps de désir est le produit de l'activité de l'intelligence sur le plan astral. Et lorsque les hommes auront compris bien ceci, ils ne se sentiront plus obligés de vivre de désir. Ils verront la différence entre le désir et l'activité intelligente sur le plan astral. Et à ce moment-là, ils pourront commencer à se construire des besoins. Et ces besoins ne seront pas construits de par la conscience égocentrique manifestée sur le plan des désirs, mais ils seront construits, ces besoins, par l'intelligence dans l'homme. C'est très important que les gens sachent que le corps de désir n'est jamais manipulé par les forces astrales, que seuls les désirs le sont. Parce que les désirs sont les formes, tandis que le corps de désir est un principe. Et un homme qui sait ceci et qui réalise ceci libère en lui énormément d'énergie. Il permet que de l'énergie intelligente de la volonté descende sur le plan de son corps de désir et à partir de ce moment-là, il commence à se créer un environnement matériel, une vie matérielle qui convient à son caractère et à son tempérament. Autrement dit, il se sécurise sur le plan matériel et en arrive un jour à travailler dans des conditions qui lui conviennent au lieu de travailler dans des conditions qui font partie de la notion qu'il a de la valeur de la vie. Un homme ne peut pas travailler toute sa vie, surtout s'il se sensibilise, il ne peut pas travailler toute sa vie dans des conditions qui ne conviennent pas à son corps de désir. Il peut travailler longtemps dans des conditions qui conviennent à ses désirs, mais il va se brûler. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? C'est très important pour nous de comprendre que le corps de désir n'est pas manipulé par les forces astrales, que le désir, que les désirs sont la manifestation des intelligences astrales. Parce que viendra un temps dans les années qui viennent où l'homme ou certains hommes seront amenés petit à petit à reconnaître la nécessité de vivre à l'intérieur d'un système microéconomique construit de toutes pièces par l'intelligence en fonction du corps de désir de l'homme. Mais les hommes ne pourront pas vivre à l'intérieur d'un système microéconomique construit de cette façon s'ils ont des désirs. Pour qu'un homme vive à l'intérieur d'un système microéconomique construit par l'intelligence sur le plan du corps de désir, il faut que ces hommes soient sans désir. Sans ça, ceux qui vivent de cette façon sentirait automatiquement les désirs de l'autre, sentirait automatiquement qu'il se produit dans leur sein une sorte de situation où des égos ou des hommes inconscients prennent avantage d'une situation pour des raisons totalement personnelles. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans, il y a simplement du profit. Et dans une société microéconomique créée par l'intelligence sur le plan du corps de désir, il ne peut pas y avoir d'idée de profit, il y a simplement l'idée d'échange constant de l'énergie. Et c'est l'échange constant de l'énergie qui permettra justement la création de cette société microéconomique. Ce ne sont pas les concepts de profit provenant de la notion que nous avons de la vie, élucidée telle que nous le savons par les désirs du corps de désir. Ceux qui seront suffisamment avancés dans cette conscience verront que leur vie matérielle est totalement assurée pour le restant de leurs jours sur le plan matériel. Mais ces êtres, ces hommes, ne pourront s'exécuter qu'en relation d'autres hommes qui seront dans la même conscience. C'est réellement un système fermé. Ce n'est pas un système public ou un système ouvert. C'est un système fermé, un peu comme est fermé, comment on dit en français, a clam. Palourde, pas une palourde, l'autre. Les huîtres. L'huître s'ouvre, elle permet l'entrée de certaines particules, ensuite elle se ferme. Elle s'ouvre et elle se ferme. Et ce système économique sera construit de la même façon. Et sa mécanicité sera ainsi. Il souffrira pour ceux qui sont prêts et il se refermera ensuite. Et ceux qui seront à l'intérieur continueront leur activité en fonction des lois de l'intelligence de ce système. J'essaie de préparer le public à des conditions de vie qui permettront à un certain nombre d'hommes éventuellement de vivre sous le parapluie de l'intelligence, contre les intempéries économiques qui viennent. Mais il est absolument impossible de créer une condition psychologique pour que les gens s'imaginent que demain, tous pourront vivre dans des conditions telles que celles que j'explique aujourd'hui. C'est absolument d'ailleurs impossible parce que les hommes n'ont pas tous la même capacité de réaliser leur intelligence sur le plan du corps de désir. Et si je dis que le corps de désir, pardon, si je dis que le corps de désir possède son intelligence, je veux dire que l'intelligence peut descendre sur ce plan. Et lorsque l'intelligence descend sur ce plan et allume ce plan, elle réfléchit dans le mental des conditions de vie future qui conviennent à tous les hommes idéalement, c'est normal. Quel est l'homme aujourd'hui qui n'aime pas entendre dire qu'un jour il n'aura plus à travailler tel qu'il le travaille aujourd'hui? C'est normal. Mais le point n'est pas là. Le point est que dans ce temps, tant qu'il sera petit à petit construit, ceux qui pourront vivre de cette condition auront de l'intelligence dans le corps de désir. Et non seulement des désirs personnels. C'est pourquoi la notion de l'intelligence est une notion qui est très faussée par nos désirs. Et nous devons apprendre avec le temps à reconnaître la nature de notre intelligence dans nos désirs pour bien réaliser que nos désirs sont l'expression de notre intelligence et non l'expression de formes astrales contrôlées par l'astral pour que nous continuions à vivre d'une notion purement existentielle. Les forces astrales sont très présentes dans l'homme. Très présentes dans l'homme. Et les désirs sont leur expression parce que ces forces se servent de l'émotion de l'homme et créent avec cette émotion ce qu'on appelle le désir. Un désir, ça ne se crée pas sans émotion. Un désir, ça se crée toujours avec de l'émotivité. C'est pourquoi lorsque l'homme vit sous l'impulsion de l'intelligence sur le plan du corps de désir, il n'y a aucune émotion dans ce que nous appelons le besoin. Il n'y a aucune émotion. Ce besoin fait partie de notre intelligence et notre intelligence a besoin de ce besoin pour que, sur le plan matériel, se manifeste notre destinée humaine. De sorte que nous sommes obligés au cours des années d'ajuster constamment notre notion de ce que nous voulons dans la vie pour en arriver à n'avoir qu'une intelligence de ce que nous pouvons dans la vie. Et c'est lorsque l'homme a l'intelligence de ce qu'il peut dans la vie qu'il est capable de développer l'intelligence de ce qu'il veut dans la vie pour en arriver à réaliser d'une façon sûre et certaine ce qu'il a de besoin dans la vie. Et lorsque l'homme a atteint ce point où il a ce qu'il a de besoin dans la vie, il n'a plus besoin d'autre chose que ce qu'il a de besoin dans la vie. Et ce qu'il a de besoin dans la vie est complet. Et étant complet et parfaitement harmonisé à son corps de désir, est parfaitement équilibré avec son intelligence, et fait partie de sa destinée. Et il y a sans fin des besoins que l'homme peut créer dans la vie pour qu'il continue sa destinée. Seulement, avec le temps, ces besoins deviennent plus complexes parce que la création de besoins à partir de l'intelligence, en fonction du corps de désir, est le mécanisme universel qui créera sur la Terre la micro-société anonyme de l'humanité de la sixième race. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus abstrait, mais aussi très concret, la fondation d'une nouvelle société. Nous avons des notions d'une nouvelle société, mais nous n'avons pas d'idée ce que c'est. Je vous explique un peu les mécanismes de la création d'une nouvelle société. Ces mécanismes sont très simples. C'est la descente de l'intelligence sur le plan du corps de désir, qui est vide de désir. C'est ceci qui créera la nouvelle société, le micro-système économique anonyme de la sixième race. que ça prenne 5 ans ou 10 ans ou 20 ans ou 200 ans ou 500 ans, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça se fasse et ça doit se faire. Et ça doit commencer dans un certain temps. Et c'est déjà commencé. Mais ça sera toujours vécu et véhiculé à l'insu de ceux qui ne sont pas encore suffisamment ajustés, enlignés dans le corps de désir. Ah, on entendra parler de certaines choses. On entendra parler de certaines activités. On fera beaucoup de certaines activités. On interprétera certaines activités, mais on ne comprendra pas ces activités et on n'appartiendra pas à ces activités. Et comme ce n'est pas une activité secrète, automatiquement tous les gens pourront le savoir et l'interpréter à leur guise, mais tous les gens ne pourront pas y parvenir et y vivre. La notion du désir chez l'homme, la notion du désir à l'intérieur du corps de désir est une notion qui est directement rattachée à l'insécurité psychologique que nous avons de la vie. Et l'insécurité psychologique que nous avons de la vie est cette sorte de conscience ou d'inconscience qui nuit à la descente en nous de l'intelligence sur le plan de notre corps de désir. Les hommes peuvent très difficilement, lorsqu'ils ne sont pas dans cette conscience, comprendre le mécanisme de pénétration de l'intelligence dans la vie du corps de désir et l'exploitation pour le bénéfice de l'homme de cette intelligence afin de rencontrer des normes d'évolution supérieures. Et comme l'homme est très rattaché aujourd'hui par des moyens, par des liens invisibles, soit à un travail, soit à une carrière, soit à une activité, il est difficile pour lui de reconnaître la nécessité éventuellement de vivre totalement à l'extérieur de conditions qui ne sont pas sous son contrôle. Parce que déjà, il n'a pas le pouvoir de l'intelligence sur le corps de désir pour lui donner l'idée de ce que peut être le contrôle de sa propre vie matérielle. Et plus le temps passe, et plus les années avancent, et plus les index économiques deviennent difficiles, plus les hommes verront retentir en eux le signal qu'il devient de plus en plus difficile de vivre dans une société qui n'a plus le pouvoir de nourrir justement ces hommes. Et c'est à partir de cette prise de conscience de cette situation que les hommes commenceront à réajuster leur notion de leur intelligence, notion affectée par leur corps de désir. C'est à partir de ce moment-là qu'il se formera un changement dans leur conscience. Et avec le temps, il y aura intégration. Mais la nature de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui ne lui permet pas de comprendre exactement le pourquoi de l'intelligence sur la Terre. Parce que pour comprendre le pourquoi de l'intelligence sur la Terre, il faut être suffisamment avancé dans le développement du corps de désir pour que l'homme puisse se servir de l'expérience ancienne enregistrée dans la mémoire d'âme et voir que cette expérience ancienne confirme l'exécution dans le temps de tous les plans évolutifs de l'humanité ou des autres humanités. Pour bien comprendre le rôle de l'intelligence sur une planète, il faut comprendre le rôle de l'évolution sur toutes les planètes. Pour bien comprendre la fonction de l'intelligence sur une planète, il faut réaliser le pouvoir de l'intelligence sur tous les globes. Et beaucoup d'hommes ont visité au cours du passé d'autres globes, et beaucoup d'hommes comprennent et savent par réflexion directe dans la mémoire de l'âme, lorsque le corps de désir est totalement ajusté au mental, que l'évolution des systèmes est une progression constante, mais aussi nécessite que le corps de désir, au fur et à mesure que cette évolution progresse dans le cosmos, s'ajuste aux conditions présentes, contemporaines, de l'intelligence descendant sur le plan du corps de désir. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas être parfaitement au courant de l'évolution de l'avenir, parce que les hommes ont encore en eux trop de notions et trop de désirs personnels. Si les hommes n'avaient pas de désirs personnels, ils pourraient très facilement voir l'évolution dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 années, 500 années, 1000 années. Ils le verraient avec grande facilité, parce que rien n'est caché à l'homme. Ce qui est caché à l'homme, c'est sa mémoire. Et pourquoi sa mémoire est cachée à lui? C'est parce qu'il ne peut pas se tremper au niveau de son corps astral à la vibration de l'âme sans en subir un choc en retour qui est le désir personnel. Et je veux développer cette partie. Tous les désirs que crée l'homme sont des façons à lui, dans son inconscience, de stabiliser son émotionnel. Et il stabilise son émotionnel contre quoi? Il stabilise son émotionnel contre le fait que, imperceptiblement et d'une façon subliminale, tous les êtres qui sont dans la matière souffrent du choc de la mémoire de l'âme. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le désir humain? C'est ce vernis qui est interposé entre l'âme et le corps de désir. Et s'il était donné à un homme de n'avoir aucun désir, d'être empêché au cours de sa vie de vivre, de développer un désir, cet homme aurait totalement la mémoire de son passé. Mais c'est tellement difficile à l'homme de ne pas vivre, de ne pas conjurer au cours de son évolution un certain nombre de désirs ou même une myriade de désirs, que s'il le faisait, il serait totalement débalancé. L'homme a besoin de désirs pour se balancer, pour balancer ses énergies. Et qu'est-ce que ces désirs font? Ils créent sa psychologie, ils stabilisent sa psychologie, et ceci lui donne la notion qu'il a de la valeur de la vie. Alors, les désirs que nous avons sont des mécanismes qui proviennent du fait que nous sommes incapables de vivre de la mémoire de nos activités antérieures pour que nous puissions nous servir de cette mémoire dans le temps présent afin de ne plus vivre d'expérience. Lorsque je dis que la mémoire d'âme doit être détruite en l'homme, c'est justement ce que je dis. Lorsque l'homme aura été capable de ne plus vivre de mémoire, c'est-à-dire que lorsque l'homme ne sera plus capable de vivre de désir, à ce moment-là, la mémoire n'aura plus à s'enregistrer dans des formes qui deviennent du désir, mais deviendra simplement une porte ouverte sur l'invisible. Mais l'invisible, pour que l'homme le reconnaisse éventuellement, il faut qu'il soit perçu d'abord à travers un corps de désir qui n'est pas manifestement l'accumulation sans fin de désirs personnels provenant d'une notion de la valeur de la vie. Puisque les hommes ont une notion de la valeur de la vie, automatiquement cette notion crée en eux un vernis qui les empêche de vivre de leur intelligence et de comprendre instantanément l'expérience ancienne qu'ils ont vécue dans le passé de l'évolution. Quelle est la relation entre l'intelligence pure et la mémoire d'âme? Elle est très simple. L'intelligence est cette énergie dans l'homme qui permet à l'homme instantanément de comprendre l'expérience passée. C'est pourquoi je dis souvent que l'intelligence, c'est une illusion. Non pas parce que ce n'est pas réel, mais parce que l'intelligence est une énergie qui s'exécute en fonction de la mémoire d'âme. Et c'est pourquoi un homme qui est dans son intelligence n'a plus besoin de mémoire. Parce que cette mémoire n'a plus besoin de s'enregistrer à travers des formes qu'on appelle le corps de désir. Et à ce moment-là, on dit que l'homme détruit la mémoire de l'âme, c'est-à-dire qu'il détruit le support de la mémoire de l'âme, qui sont les désirs personnels. Et lorsque l'homme a totalement détruit ce support, il n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la réflexion des particules atomiques qui sont enregistrées dans l'atome central de l'âme et qui créent au cours de cet atome central un genre de nuage auquel est rattaché le corps animal humain. Plus l'homme avancera dans le temps, plus il sera abasourdi par un fait, c'est que tout ce qu'il aura appris sera détruit devant ses yeux. Et il est essentiel que l'homme perde toute notion de ce qu'il a appris et que tout ce qu'il apprend soit éventuellement détruit pour qu'il ne reste plus avec aucune notion d'intelligence. Et lorsque l'homme n'aura plus de notion d'intelligence, il ne restera en lui que l'énergie de l'intelligence, et cette énergie d'intelligence pourra lui permettre d'interpréter instantanément la mémoire d'âme sur le plan vibratoire et non sur le plan du corps de désir. Et à ce moment-là, l'homme se servira de l'énergie de l'âme et ne se servira plus de sa manifestation sur le plan astral à travers ce qu'on appelle le désir personnel. L'instruction que reçoit l'homme au XXe siècle est une instruction dans deux sens. C'est une instruction dans un sens qui permet à l'homme de conquérir pour la première fois sur le globe la notion qu'il a perdue de son origine. Et deuxièmement, ça permet à l'homme de réaliser pour la première fois sur le globe que son origine est aussi intacte aujourd'hui qu'elle l'était dans le passé. Autrement dit, ceci permettra à l'homme demain de réaliser que l'évolution, ça n'existe pas. Que le concept d'évolution est un concept qui provient de la notion que nous avons de notre réalité. Et comme nous avons des notions de réalité, il est évident que toute notion s'ajuste au fur et à mesure que nous accumulons de plus en plus d'informations ou d'impressions dans notre cerveau. Et ce sont les impressions que nous accumulons dans notre cerveau qui nous donnent la notion que nous évoluons ou que nous regressons. Et pourtant, l'homme n'évolue pas et ne regresse pas. Tout ce qui change en lui, c'est le rapport entre son corps de désir et l'âme. Et lorsque le rapport entre le corps de désir et l'âme est totalement ajusté, l'homme devient humain, c'est-à-dire qu'il prend contrôle sur le plan matériel du pouvoir de son esprit à travers son corps de désir pour bénéficier de la vie matérielle comme il le ferait sur un autre plan. Mais regardons les plans dans le cosmos. Il y a le plan de la mort. Et il y a le plan matériel. Et il y a l'éther. Alors, des conditions de vie, des conditions d'évolution, si vous voulez, sont suffisamment rares. Il y a le plan de la mort, il y a le plan matériel, et il y a l'éther. Alors, l'homme a le choix d'aller dans la mort